Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Vous écoutez Fréquence Protestante et la 51e mécanique des ondes. Et aujourd'hui, je reçois un animateur, mais pas que, parce que dans la mécanique, on ne reçoit pas que des animateurs. Il est aussi formateur et responsable d'antenne. Et des programmes. Et des programmes. Le tout sur la radio du handicap et des différences, Vivre FM. Mais avant d'y arriver, mon invité a eu un parcours multifacette, passé notamment par la bande FM Poitevine et les ondes passantes du web. Le tout en deux prénoms, ou pas. L'un des deux est un nom de famille. Mon invité se nomme Fred Pierre. Bienvenue dans la mécanique des ondes. Merci, bonjour Eddy. Un parcours multifacette, comme je le disais, je ne pense pas me tromper en résumant votre parcours, hein, qui est assez varié. Oui, il est très varié. Enfin, il y a eu pas mal de radios en 27 ans de métier. Et ces 27 années, on va les résumer durant une quarantaine de minutes. Vous allez nous raconter tout cela, à commencer par cette traditionnelle première question. Vous êtes actuellement au micro d'une radio associative. Est-ce que cela vous rappelle des souvenirs? Ça me rappelle à la fois des souvenirs et ça me rappelle mon quotidien, puisque je suis responsable de l'antenne et des programmes d'une radio associative aussi. Puisque Vivre FM, celle où j'officie, c'est une radio associative. Et donc, ça me rappelle pas mal de souvenirs, puisque j'ai pas commencé sur des assos, mais j'ai toujours voulu être à la fois sur des radios commerciales et des radios associatives en même temps, parce que déjà j'étais un boulimique de travail, peut-être un peu moins maintenant, mais je voulais à la fois voir ce qu'était le côté commercial des radios et le côté associatif où on peut créer beaucoup de choses, on peut mettre une vraie patte qu'on peut pas forcément mettre sur les radios commerciales. Et alors, une radio commerciale, à comparaison, votre point de vue, la vision que vous en avez eue? La vision que j'en ai eue, c'est par là que je suis arrivé, puisque moi j'ai commencé sur une locale de Skyrock et à Poitiers, voilà. On avait de la chance puisque c'était une franchisée, non pas une affiliée. La différence entre les deux, c'est que l'affiliée fait partie totalement d'un groupe. Alors que la franchisée, on paye une licence et on utilise une marque qui était Skyrock à l'époque et on faisait un petit peu ce qu'on voulait derrière. Et il se trouve que j'avais un patron qui était hyper créatif et qui se servait juste de la marque Skyrock pour faire beaucoup de choses localement sur Poitiers. On était la première radio locale et moi, ça m'a ouvert des perspectives à 17 ans qui comblait toutes mes attentes de radio, parce que je rêvais de faire de la radio depuis très longtemps, et voilà. Et justement, ce rêve, comment il est venu en fait? On dit toujours qu'il y a un moment où le virus de la radio nous atteint, tout jeune. Vous, comment c'est arrivé? Alors, il paraît, c'est ma mère qui m'a raconté ça, parce que moi je m'en souviens absolument pas, mais il paraît qu'un jour, j'aurais dit à mon père, qui était en train de bricoler dans son garage, et qui écoutait la radio tous les jours, il écoutait... Europe 1 systématiquement quand il bricolait. Je ne sais pas pourquoi cette obstination pour cette radio, mais un jour je lui aurais dit, un jour c'est moi qui serai dans dans la petite boîte. Et voilà, donc il m'a dit, non, tu feras un vrai métier comme tout le monde. Ah, le fameux. Dixit ma mère, hein, toujours, parce que moi je m'en souviens absolument pas, à 4 ans on ne se souvient pas forcément ce qui s'est passé. Ah oui. Mais elle m'a raconté ça, je me suis dit, tiens, c'est plutôt joli. Donc j'ai gardé ça, même, je ne sais pas, hein, c'est peut-être pas vrai, mais... J'ai trouvé que c'était sympa. Donc, arrivé à Skyrock Poitiers à 17 ans, si j'ai bien retenu. C'est ça. Mmh. Et alors, sur cette radio, donc vous l'avez dit, sur une franchisée, on ne se contente pas que de faire du flux comme à Paris. Du coup, je pense qu'il y avait une certaine liberté dans la grille des programmes et dans les émissions. Alors vous, quand vous étiez arrivé, qu'est-ce que vous y faisiez? En fait, moi, je suis arrivé en faisant des sketchs. C'est-à-dire qu'on avait fait une espèce de pilote. Le patron de cette radio... qui était aussi l'animateur officiel, avait fait un pilote pour Skyrock Paris, qui s'appelait Bonsoir la Planète, qui a ensuite été fait en national. Et donc lui, il avait fait partie des villes qui testaient cette émission de libre antenne. Et un jour, donc, il lance un thème, puisque c'était une libre antenne où chaque soir on donnait un thème. Et avec un pote, on s'est dit, tiens, on va déconner autour de ce thème et on va le prendre à contre-pied. Donc, on a créé un sketch comme ça en 5 minutes en impro. Et puis, on s'est dit, on va appeler. On avait chacun un téléphone fixe. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de portable. Le Bebop, encore. même pas encore. Il y a 27 ans, je vous le rappelle. Et puis, on a fait un sketch. Ça l'a fait marrer hors antenne. Il nous a dit, on fait exactement la même chose à l'antenne. On l'a fait. La semaine d'après, il nous a rappelé en nous disant, j'aimerais bien qu'on fasse des conneries comme on a fait la semaine d'avant. Et si ça vous intéresse, on fait sur ce thème-là. Alors, on s'est dit oui. Moi, je rêvais de ça, donc j'étais tout fou. Et j'ai fait le sketch. Une semaine encore, un autre sketch. Et puis, il a fini par nous dire, venez en studio, venez passer 3 heures avec moi. Un dimanche matin, il y avait une émission qui s'appelait Le Plus ou Moins, qui est une sorte de Stop ou Encore. Et on est venu, on a fait plein de sketchs, tout en impro. Et à la fin, je lui ai dit, si vous avez une petite place, là, pour répondre aux appels, il y a plein d'appels, vous avez personne au standard, je veux bien le faire, moi. Et puis voilà, il m'a dit oui. En plus, ça reste un peu dans le ton du Skyrock de l'époque. C'était, pour reprendre les mots de Laurent Petit-Guillaume qui était venu dans une émission précédente, il y avait cet esprit poil à gratter chez Skyrock. Belle expression du temps jadis, oui. C'est ça, on pouvait faire pas mal de conneries, et puis c'était encore un esprit très rock, comme son nom l'indique. Où on pouvait, on pouvait créer et dire beaucoup de choses. Et les jingles. Les jingles étaient top. Moi, c'est un truc qui m'a marqué, c'est les jingles de cette époque-là, puisqu'ils étaient longs, ça racontait des histoires, c'était assez atypique. Et puis, je me souviens très bien de la première fois après cette première émission en direct dans un studio. J'étais rentré en voiture et forcément en écoutant Skyrock. Je ne pouvais plus décrocher après. Et j'écoutais un de ces jingles longs qui m'a marqué. Et donc, toujours sur cette radio, en 1993, la franchisée donc Skyrock Poitevine, elle choisit de changer pour basculer sur un autre programme totalement différent, celui de Chérie FM. Ouais. Bon, on va dire que c'était monnaie courante sur les franchisés à l'époque, en tout cas au début des années 90. Mais est-ce que vous savez le pourquoi de ce changement, vous qui étiez encore en interne dans cette radio? C'est purement commercial, puisqu'en fait, franchisé, ça veut dire qu'on paye une licence et on fait ce qu'on veut. Donc, si la licence ne nous convient plus parce qu'elle rapporte pas assez, on change de crèmerie et on va chercher plus d'argent ailleurs. Donc, le patron de cette boîte qui diffusait donc Skyrock a décidé un jour de prendre Chérie FM à la place. Et moi, j'étais du coup devenu animateur entre-temps, et il m'a dit, écoute, à partir de demain, je schématise, mais dans quelques semaines, tu vas arrêter de parler fort, tu vas arrêter de tutoyer les gens, et tu vas te poser largement, tu vas poser ta voix, tu vas vouvoyer les gens quand tu les as à l'antenne, et puis tu parleras plus que 20 secondes toutes les 20 minutes. Et l'adaptation n'a pas été trop difficile? Si. C'était très violent, parce que moi j'aimais bien être au contact des gens, de raconter des conneries et passer beaucoup de temps à ça, à inventer des sketchs et des trucs idiots. Et là, il fallait que je devienne sérieux. J'avais que 19 ans. Le ton plus adulte. Oui, c'était difficile. C'est pour ça que je me suis mis aussi sur des radios associatives, parce que là, je pouvais retrouver cet esprit-là et continuer à déconner autant que je voulais avec mes potes. Et c'est pour cela que vous avez donc débarqué sur Radio Pulsar. Oui, il y a eu Pulsar. Enfin, il y a eu d'autres radios associatives qui certaines n'existent plus d'ailleurs depuis, qui ont été rachetées, qui ont changé de nom. Enfin bon. Mm-hmm. Et puis oui, il y a eu Pulsar qui elle existe toujours à Poitiers, qui fait partie du réseau RCF. Non, c'est le réseau Radio Campus, il me semble. Ah bon? Oui. Ça a changé? À l'époque, je sais pas, mais en tout cas, récemment, ils ont rejoint le réseau Radio Campus. Oui. D'accord. Bon, alors ça a dû changer. Ou alors c'est Radio Accor plutôt, RCF. Ah oui, c'est ça. Voilà. Très bien. Accor, où j'ai fait quelques petits trucs aussi. Bref, je pense être passé par toutes les radios de Poitiers. Hein. Donc vous connaissez par cœur la bande FM locale. Voilà. Même celles qui ont rejoint ensuite d'autres réseaux comme Forum, qui est devenu une radio de réseau chez 1980. Et donc après tout ça, en 2001, bon, on est toujours sur Poitiers, enfin à proximité, je pense, Style FM. Oui, Style FM, oui, c'est une radio assez bizarre parce que C'est vraiment une petite radio locale à Neuville-du-Poitou, qui est une petite bourgade. C'est ça, je cherchais le nom de la ville. Voilà, où il se passe rien. Et peut-être un train de temps en temps, mais c'est tout. Et on est resté quand même avec, donc avec les potes pendant trois saisons à se faire virer chaque année, parce qu'on allait beaucoup trop loin pour le directeur d'antenne. Donc il nous virait chaque année, et chaque année, au mois de septembre, il nous reprenait. Ah oui. Oui. Et quel était l'argument ? L'argument pour nous reprendre, parce qu'il n'avait pas mieux. Et personne d'autre venait faire autant d'animation que nous, parce qu'on a créé une émission qui bougeait pas mal, où on a fait d'ailleurs un show de fin, c'est-à-dire la troisième saison, on en avait un peu marre. On s'est dit, on va terminer en beauté au mois de mars. C'est bien de terminer la saison au mois de mars. Avec un show dans un théâtre où il y avait 300 personnes. Avec un groupe de rock en live, avec un magicien. On s'est dit, un magicien, faire du visuel à la radio, c'est sympa. Donc, on va faire ça. C'est un peu de l'avant-garde, hein, quand on voit ce que font certains aujourd'hui. Mais oui. On a fait un sketch avec des cascadeurs, donc totalement visuel aussi, qui a totalement dérouté le public, puisqu'ils ont cru que vraiment une bagarre était en train de se déclencher dans le théâtre. Alors, pas du tout. C'est juste des cascadeurs. Et puis voilà, on a fait un gros show de 3 heures. Et puis, à la fin, finalement, il nous a virés aussi. Et donc, cette émission qui se nommait L'Agence, ouais. Pourquoi ce nom ? J'en ai aucune idée. Je sais pas, c'est arrivé comme ça. J'avais envie qu'on dise que l'émission est ouverte. En fait, dans le générique, j'avais envie qu'on dise que cette émission est ouverte jusqu'à telle heure. Voilà. Donc, on avait pensé à la boutique aussi, et puis on s'est dit non, l'agence, c'est bien. Ça fait un petit peu, il y avait un côté agence touriste, il y avait un côté, voilà, ça faisait un truc ouvert. Voilà, j'avais envie de ça. Alors, un truc qui fasse pas nom de radio surtout, enfin, pas nom d'émission. Et alors, j'ai fait mes petites fouilles dans les archives du web, justement. J'ai retrouvé le site de Style FM de l'époque. Oh non. Qui présente. J'ai pas d'image. Ah bon, on rassure tout de suite. J'ai juste un bref descriptif de ce qu'était l'agence. Ouais. Et qui dit, je cite, le concept, c'était qu'il n'y avait rien à comprendre et qu'il fallait se laisser divertir. Ah, je sais pas qui a écrit ça, parce que. Ah bah, c'est ça. J'ai pas le nom du webmaster du site de Style FM de l'époque. Moi, je l'ai, mais. Mais je ne divulguerai pas de nom. Non, mais je sais pas qui a écrit ça et ça correspond pas vraiment au concept parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. C'était très écrit, très préparé. D'ailleurs, c'était une hebdo et on passait toute la semaine à l'écrire avec le reste de l'équipe. C'était un gros bordel apparent à l'antenne, mais c'était hyper écrit en amont et toutes les conneries, même les pires, parce qu'on allait très loin. On se fixait aucune limite, elles étaient toutes prévues à l'avance. Du coup, c'était un peu dans la continuité de ce que vous faisiez à vos débuts sur Skyrock. C'est ça, mais moi j'ai toujours aimé ça. Si j'ai voulu faire de la radio, c'était pour faire des conneries. C'est pour m'amuser et amuser les gens, c'était tout. Et l'agence, justement, a une deuxième vie en région parisienne. On va en parler dans quelques instants, juste le temps de faire une première pause musicale, Fred Pierre, avec un morceau que vous avez choisi et qui est Téléphone. Avec avec un autre monde. Voilà. Pourquoi ce choix? Parce que ça fait partie des titres qui ont marqué mon début à la radio, parce que la fameuse émission qui s'appelait le plus ou moins sur Skyrock, un des premiers titres que j'ai entendu dans cette émission, en tout cas que j'ai passé moi-même, après, j'y suis retourné tous les dimanches matins pour faire standardiste, et après très vite je suis passé réalisateur, et un des premiers que j'ai diffusé, ça a été Téléphone, un autre monde. Et du coup, un autre monde s'ouvrait à moi, celui de la radio. Donc voilà, je trouve que ça m'a marqué. Et voilà. We'll be right back. Un autre monde, celui de la radio. C'était une très jolie présentation, Fred Pierre. Un très bon choix musical du téléphone. Oh, c'est un groupe qui reste au quotidien très, très ancré dans ma culture musicale. Et on va retourner donc à Poitiers. Enfin, on va sortir de Poitiers cette fois-ci, puisque là, vous quittez vos terres pour rejoindre la région parisienne avec, dans les cartons, votre émission L'Agence, qui bascule sur Évasion. Ouais. Une radio régionale du sud de l'Île-de-France, à l'époque en tout cas. Moi, je voulais savoir comment s'est organisé ce passage d'une radio associative à une grosse régionale commerciale qui était Évasion. Bon, en fait, comme moi, j'ai fait mes débuts sur donc des radios commerciales, et puis on l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a eu d'autres passages dans d'autres radios commerciales sur des trucs assez ponctuels. Ça s'est fait assez naturellement parce que je connaissais déjà la façon de travailler dans ces radios-là où il faut de la rentabilité au niveau audience et il faut aller chercher l'auditeur bien plus que sur une radio associative. Donc ça n'a pas été un problème. Le seul truc, ça a été d'adapter une émission qui se faisait le samedi soir de 22h à 2h du matin en étant pour la moitié du temps dans un état proche de l'Ohio et de la faire le matin de 6h à 10h dans une ambiance complètement différente et en quotidienne. Et du coup, il fallait s'adapter aussi à certaines choses par rapport déjà au rythme et puis à l'audience d'Évasion. Voilà, l'audience qui n'était pas faramineuse non plus hein, sur Évasion. Quand on est arrivé, ils nous ont dit très clairement, voilà, on fait en gros 60 000 auditeurs par jour, il va falloir augmenter ça. Donc la mission était là. On avait un petit peu de pression sur le fait qu'il fallait absolument augmenter l'audience de la radio, non seulement le matin, mais toute la journée. Et comme on sait que l'audience se fait le matin dans une radio, on avait grosse pression, mais on nous a juste dit, voilà, faites ce que vous savez faire, faites les cons, et puis allez-y. Mmh. Voilà. C'est la première fois qu'ils avaient un morning aussi, c'était pas la... ils n'avaient jamais eu de vrai morning, ils avaient eu des mornings de flux avec un animateur, de la musique, et voilà. C'est la première fois qu'ils se lançaient dans ce genre de truc, donc pour eux aussi, c'était assez nouveau. C'était aussi un peu une sorte de défi, si on peut dire. Pour tout le monde. Donc il y avait gros aussi pour le directeur d'antenne qui misait sur nous. Tout le monde, toute la radio misait sur nous. C'était un gros défi, mais c'était hyper excitant. Et alors, c'est une question que je pose souvent à mes invités, puisque beaucoup se sont essayés aussi au morning, le rythme. Mais le rythme. Est-ce que c'était dur à tenir ? Non, le rythme, il est génial. C'est, on se lève le matin, on arrive, on a la tête complètement dans le sac et la lumière rouge s'allume et là, on s'allume aussi. Donc, moi, je trouvais ça génial. Et pourtant, dès que le micro s'éteignait, je m'aurais éteigné aussi. Hein. Jusqu'à 6h30, j'étais pas étanche. Mais je trouvais ça super parce que se lever à 4h du matin pour aller réveiller les gens, être de bonne humeur, alors que nous-mêmes, on n'est pas forcément de bonne humeur ou pas forcément bien lunés. On réveille, en tout cas. Je trouvais ça génial d'entrer dans le rôle de l'animateur qui, lui, va toujours bien, qui est toujours de bonne humeur, qui est là pour ça, qui est payé pour ça. Et voilà, donc non, l'exercice est bien à tenir après sur la distance. Moi, c'est pas ce qui m'a fait arrêter, c'est pas le rythme qui m'a fait arrêter. J'aurais pu continuer des années comme ça. Ça n'a pas été le cas, mais c'est pas ce qui m'a fait arrêter. Voilà, c'est justement là-dessus que j'allais rebondir en posant aussi une question que je ressortais souvent. Si vous aviez eu l'occasion de pouvoir refaire un morning un jour dans votre vie, est-ce que vous refonceriez tête baissée ? Maintenant, non. Non, je le ferai pas. C'est-à-dire que là, on est en train de créer pour Vivre FM un nouveau morning qu'on n'a jamais eu. J'aurais pu me lancer dedans. En l'ayant fait il y a quelques années, j'aurais pu me dire, tiens, je vais le faire moi. En fait, non, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie. Je pense que voilà, j'ai dépassé les 44 ans. J'ai d'autres envies. Ça m'intéresse plus de me lever tous les matins hyper tôt pour réveiller les gens. J'ai autre chose à donner, je pense. Et il y a d'autres animateurs bien plus qui ont bien plus envie que moi. Et sachant que l'animateur en question, en plus, qui va le faire à 67 ans, donc il est bien plus âgé. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'envie. Moi, j'ai plus du tout envie de faire ça, ça m'intéresse plus. Je le ferai peut-être pour être son joker, mais voilà, de temps en temps, ponctuellement, ça va m'amuser. Au quotidien, je pense que ça ne m'amusera pas. Mmh. Et alors, en parallèle à tout ça, il y a eu une autre aventure marquante, je pense, mais là, on va sortir des ondes FM pour aller sur Internet avec une certaine web radio nommée Click and Rock. Bah oui, où on s'est connus. Ah bon? Il paraît que vous avez officié là-bas aussi pendant quelques années. Ouais, bon, on va pas mentir aux auditeurs. Effectivement, Click and Rock, oui. c'était la radio où j'ai appris, en fait, pendant 9 ans. Ouais, bah, j'étais enfant. Ah, c'est ça. Non, c'est vrai que j'ai beaucoup appris. C'était une équipe dynamique, passionnée, pro, géniale. Et vous y étiez également directeur antenne pendant un temps. Oui, pendant, je sais pas, 3 ans. 3-4 ans, ouais. Ans, directeur antenne, je sais plus. Mais moi j'ai fait quasiment les 10 ans aussi, mais à distance au début, après en étant très présent. Oui, c'est ça. Et puis à la fin, en étant un peu moins présent, parce que j'étais arrivé à Vivre FM, donc je pouvais pas faire les deux. Mais non, c'est une super expérience, Click and Rock, parce que il y avait à la fois des bénévoles, à la fois des professionnels de la radio, et tout ce petit monde cohabitait en essayant de faire une radio, une belle radio, dont on puisse être fier avec les peu de moyens qu'on avait, parce que c'était quand même très rudimentaire, et on avait la chance d'avoir un patron qui était un as de la technique, donc avec peu de choses, il arrivait à nous faire des super studios, à nous faire des localisations, des émissions en direct de lieux improbables comme l'International à Paris. Enfin, c'était assez génial parce qu'on pouvait tester tellement de trucs. Oui, c'était un vrai laboratoire où justement il y avait pas mal de choses qui s'expérimentaient, on testait des concepts. Et puis c'était un vivier de talent aussi, puisque la plupart des voix qui ont commencé là-bas ont par la suite évolué sur des radios comme en vrac, Chéri FM en local, il y a eu Rire et Chanson, il y a eu des France Bleues, Oui FM. Il y en a qui sont devenus auteurs dans des grandes radios. Il y a eu vraiment beaucoup de gens qui ont émergé de ce petit local, parce que je repense au studio qui faisait 12 mètres carrés dans une chambre dans le 94 et même qui faisait peur aux invités quand ils arrivaient devant la maison. Ils disaient c'est là. Et puis finalement, quand ils étaient dans l'émission, après ils voulaient plus repartir dans les émissions. Et puis la spécialité de Click and Rock, c'était dans sa couleur musicale, une place importante laissée aux nouveaux talents aussi, pop rock, les autoproduits. Ouais. C'est vrai qu'on a découvert pas mal, hein. Des groupes comme Lee Wood and the Prick, on a été les premiers à les diffuser. Enfin, il y a eu plein de... Bon, ils n'ont pas fait grand-chose derrière, à part un gros tube énorme, mais parce qu'il a été remixé. Mais ils n'ont pas su garder le succès, c'est dommage. Mais même pour vous, puisque vous co-animiez dans des émissions qui recevaient pas mal d'invités, aussi bien People que Nouveau Talent pop-rock, ça a dû être des rencontres aussi très enrichissantes pour vous. Mais c'était super parce qu'on faisait, on a expérimenté aussi la radio filmée. C'était quand même il y a plus d'une douzaine d'années maintenant, donc on était un peu dans les premiers à faire ça, faire de la radio filmée, faire des lives de groupes de rock. On n'était pas les premiers, mais de les filmer, d'essayer de faire connaître notre radio grâce à ça. On était dans les premiers. Puis ouais, il y a eu tellement de belles rencontres avec des gens. Essayez toujours de faire découvrir, se découvrir des gens, que ce soit des people face à un groupe de rock, et de confronter des univers qui n'avaient absolument rien à voir. Une présentatrice d'émission de télé-réalité ou un candidat avec un groupe de rock qu'on n'a rien à cirer des émissions de télé-réalité, moi je trouvais ça génial. Et de délirer aussi à détourner des émissions de télé, de prendre les répliques cultes du Loft à cette époque-là, de les détourner complètement et de leur faire dire des horreurs, je trouvais ça génial. Et qu'est-ce qui vous avait motivé à vous lancer dans le rôle de directeur antenne, justement, à Click and Rock? Ben c'est, en fait, moi j'ai toujours eu une seule envie, j'ai qu'un seul moteur, en fait. C'est ni le pouvoir, ni, parce qu'on pourrait se dire, le gars a cherché à être directeur d'antenne ou qu'est-ce, c'est une soif de pouvoir, on me l'a souvent sorti. Et en fait, non, ça n'a rien à voir avec ça, c'est une soif de liberté. C'est-à-dire que plus on est haut dans un média ou dans n'importe quelle structure, plus on est libre. Et moi, il n'y a que ça qui me motive, être libre de créer ce que je veux. C'est, en même temps, je vais me défausser sur mon premier patron, celui de Skyrock à Poitiers, qui m'a appris ça. C'est-à-dire que le mec était totalement libre de créer tout ce qu'il voulait. Il a toujours cherché à avoir le moins de contraintes possible. Mmh. Et moi, il m'a inculqué ça. C'est le mec qui m'a tout appris en radio. Et après, j'en ai appris d'autres par moi-même. Mais c'est lui qui m'a tout inculqué. Et cette soif de liberté, elle vient de lui. Donc Alain, si tu nous écoutes. Voilà, c'est ce que j'ai cherché tout le temps après. Donc, à Click and Rock, c'était génial parce qu'on avait la liberté totale de créer tout ce qu'on voulait. On avait un directeur, un patron, un président d'association qui nous laissait libre totalement de faire tout ce qu'on voulait. Et voilà, quand il m'a dit, tiens, si t'étais directeur d'antenne, forcément que j'ai foncé. Et alors, pour terminer sur la parenthèse Click and Rock, vous qui avez donc connu le média web radio, un média aussi dynamique que celui qui était Click and Rock, est-ce que vous pourriez considérer ce média, en tout cas à l'époque, comme une nouvelle forme de radio libre à l'instar de celle qu'on avait sur la FM dans les années 80? Ah, mais c'était même plus libre que les fameuses radios libres, parce que la web radio, c'est plus de la radio pirate dans la liberté. On a vraiment une liberté totale de ton, d'envie, de possibilité. Même encore aujourd'hui, si demain quelqu'un veut créer sa radio, sa web radio et parler que de son sujet parce que il a envie de parler, je sais pas, moi c'est un passionné d'histoire, il a envie de faire une radio que d'histoire, il fait une radio d'histoire, par exemple. Il fait ce qu'il veut. Voilà, je sais pas, c'est peut-être si demain j'ai envie de refaire une radio sur le rock parce que je suis un passionné de rock, je le fais. C'est instantané. C'est-à-dire que maintenant il y a encore plus de possibilités de le faire puisque on peut consacrer une antenne totale à un thème. Mmh. Après, c'est peut-être emmerdant pour les gens, un seul thème, mais bon. En tout cas, j'espère que le thème de la radio séduit nos auditeurs. J'espère. En tout cas, on va passer à un deuxième titre, Fred Pierre, tout de suite, que vous nous avez sélectionné. Quel est-il? C'est Serge Gainsbourg et Mon Légionnaire, parce que ça date encore de mes années Skyrock, hein, ça fait partie des titres qui m'ont marqué parce que voilà, mes premières années de radio, ça, elles sont encore présentes 27 ans après. Et Mon Légionnaire, ça fait partie des titres qui m'ont fait découvrir bizarrement Edith Piaf, parce que je le passais en version Gainsbourg sur Skyrock. Bizarre hein, de dire ça maintenant alors que ça oui. Presque du rap, mais on le passait, nous en tout cas à Poitiers, on le passait. Et peu de temps après, quand on est passé sur Chérie FM, il a fallu que je passe Edith Piaf, Mon Légionnaire. Et là, j'ai pris une claque. Hey. ses airs. Il avait ses beaux yeux ouverts dans le ciel, passé des nuages. Il a montré ses tatouages en souriant. Il a dit, montrant son cou, pas vu, pas pris. Montrant son cœur ici, personne. Il savait pas, je lui parle. Je rêvais pourtant que le destin nous ramènerait un beau matin dans les genêtres. Qu'on s'en irait seuls tous les deux dans quelques pays merveilleux. C'était beau, on l'a mis sous le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front, qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. À l'écoute de la mécanique des ondes et un retour dans les années Skyrock de Fred Pierre, notre invité aujourd'hui, c'était Serge Gainsbourg avec Mon légionnaire. Un très bon choix. Merci. Et donc, nous avons refermé la parenthèse donc Click and Rock pour passer à une autre radio. Vous en avez parlé dès le début de cette émission, Vivre FM. Oui, c'est la radio sur laquelle j'officie actuellement, effectivement. Et en y entrant, vous avez contribué à une nouvelle expérience, en tout cas pour vous dans votre parcours. C'est la formation au métier de la radio dans un centre d'initiation. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce centre et sa mission ? Alors, c'est pas un centre d'initiation, c'est un centre de remobilisation professionnelle dédié aux personnes ayant un handicap psychique. Eh bien, vous faites très bien de le préciser. Voilà, parce que c'est compliqué comme dénomination. En fait, on l'a résumé en l'appelant le Media Lab, et ça permet à des gens qui ont été isolés du monde du travail, de retrouver pied et de retrouver le chemin du boulot, on va dire, de retrouver surtout les repères du quotidien grâce à la radio, donc un moyen plutôt ludique, mais pas que, hein. Il y a la radio, la vidéo, le théâtre. En une semaine, ils ont plusieurs ateliers et ça dure 7 semaines en tout, et grâce à ça, ils reprennent tous ces repères de la vie du travail. C'est quand même quelque chose moi je trouve assez formidable, parce que on a vu passer plus de 600 personnes. Ça fait 9 ans que je suis arrivé à Vivre FM et que je suis arrivé au Media Lab, et je trouve ça génial de pouvoir aider autant de gens, et pourquoi pas, parce que maintenant on en arrive à leur présenter des entreprises à la sortie des 7 semaines et qui retrouvent du boulot. Et donc c'est quand même génial pour des gens qui ont parfois été isolés pendant 10 ans. Et humainement aussi, c'est une expérience qui a dû beaucoup vous apporter aussi, je pense. Ça m'a apporté pas mal dans la patience et l'apaisement. Et pourtant, je suis un sanguin et je reste quelqu'un d'assez impulsif. Mais j'ai quand même réussi, grâce à cette formation où on est obligé d'être bienveillant avec les gens. Non pas que j'étais pas bienveillant, mais je suis un gueulard dans le fonctionnement de tous les jours. Je peux être un gueulard. Et ça m'a apporté à me poser un peu plus. Et comment vous êtes entré à Vivre FM ? Est-ce qu'on vous l'a proposé, ou est-ce que c'était totalement spontané ? Est-ce que la formation est venue à vous ? C'est un concours de circonstances, en fait. Moi, j'avais plusieurs travails en même temps, pas forcément que de la radio. Et puis, il y avait à Click and Rock, quelqu'un qui était animateur, qui s'appelle Jean-Marie Gauthier, qui était aussi responsable des programmes de Vivre FM. Et en discutant avec notre patron de Click and Rock, avec Christophe, qui m'a dit, bah, tiens, Jean-Marie, recherche quelqu'un pour le centre de formation. Toi, tu sais transmettre ton métier, t'adores ça. Pourquoi t'irais pas le voir ? Et bah, j'y suis allé, j'ai rencontré la patronne, la fondatrice de Vivre FM, Anne Voileau, qui m'a dit, que j'ai rencontré un long moment et qui m'a convaincu que je devais venir faire cette formation. Moi, j'étais totalement emballé. Et donc voilà, je suis arrivé comme ça, par connaissance. Sans quitter pour autant l'antenne, puisque avec vos stagiaires, vous présentiez une émission le week-end qui s'appelait aussi « Ça déménage ». Voilà, où on les fait toujours, hein, parce que j'ai transmis le flambeau, mais c'est une émission où on les fait débattre sur des thèmes qu'ils choisissent. Et pour des gens qui ont du mal à s'affirmer, déjà dire on a envie de parler de tel thème et d'affirmer un avis sur un thème bien précis, c'est très difficile, et je vous conseille de l'écouter, parce que c'est vraiment une émission super. C'est pas parce que je l'ai mis à l'antenne que c'est forcément super, hein. C'est vraiment, moi je trouve que qu'elle est très bien, cette émission. Et ça montre aussi, moi, de mon point de vue, de mon ressenti, ça montre que la radio, ça peut être une bonne thérapie aussi pour prendre confiance en soi. Mais oui, on a connu aussi à Click and Rock, d'ailleurs, des gens qui ont débuté et qui n'avaient peut-être pas forcément trop confiance en eux et qui ont acquis cette confiance qu'il faut pour être au micro. Le micro a ce pouvoir-là de pouvoir réussir à transcender un peu ce qu'on est intérieurement et qu'on a du mal à sortir. Et aujourd'hui, vous êtes directeur des programmes de Vivre FM. Oui, de l'antenne et des programmes. De l'antenne et des programmes. C'est précis. Oui, mais vous faites bien d'être précis, c'est très bien. Oui, parce que c'est pas la même chose. Hein. L'antenne et les programmes, ce sont deux choses différentes. Et du coup, votre quotidien, du coup, comment ça s'organise ? Ça s'organise que ça commence très tôt le matin, ça peut finir tard le soir, ça peut continuer chez soi aussi. C'est une cinquantaine de personnes à gérer à Vivre FM. Il y a des bénévoles, il y a des stagiaires, il y a des salariés, et c'est toute une ruche qu'il faut diriger avec le directeur, hein, parce qu'il y a un directeur aussi, il y a un rédacteur en chef, il y a une équipe dirigeante. Je suis pas tout seul, et heureusement, et ça se passe bien. Voilà, j'ai perdu le fil, mais ça se passe bien. Un parcours très riche, multifacette et passionnant, Fred Pierre. Ben merci. Et on va passer maintenant à la partie questionnaire de la mécanique des ondes, à commencer par la question capsule. Je rappelle le principe, c'est l'invité de la précédente émission qui pose une question à l'invité actuel. Et là, précédemment, nous avions eu Laurent Petit-Guillaume, qui était un ancien de Skyrock à Paris, et qui a une question bien particulière pour vous. Bon alors, mon cher Fred Pierre, toujours fidèle au poste, lui, bravo, encore un passionné, on partage ça. Moi, je voulais savoir, dans la série « Les instants qu'on n'oublie jamais quand on fait de la radio en direct », des moments où, par exemple, on veut absolument lancer la suite qui est, par exemple, un disque, ça arrive, et que rien ne fonctionne, rien ne part, pas un jingle, pas un reportage, pas un disque, et là, on est en direct, il y a la lumière rouge qui est là, qui est allumée en permanence. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir cette lumière rouge et devoir faire ce qu'on appelle combler? Voilà, bon courage. Merci Laurent. Oui, bien sûr que c'est arrivé. Je ne sais pas à quel animateur qui fait du direct, c'est pas arrivé. C'est le moment qu'on redoute tous, et à la fois c'est un moment qui est assez assez génial, parce que bon, quand on est tout seul, ça doit être dur. Moi, je l'ai jamais vécu seul. Je l'ai vécu sur Évasion quand je faisais du morning avec Jérôme, mon co-animateur, et Arnaud, notre standardiste, qui était plus co-animateur aussi que standardiste. Et en fait, on a meublé ensemble en disant des conneries. Ça a duré plus d'un quart d'heure et c'était génial. Pour nous, c'était génial. Je sais pas si pour les gens, c'était vraiment aussi bien que pour nous. Mais moi, j'ai adoré faire ça. Il y a rien qui part. Le PC qu'il faut rebooter en même temps qu'on est en train de parler et gérer cet imprévu. Non, c'est génial à faire. De la radio pure et simple. Voilà, c'est juste ça. On a un micro ouvert, on doit parler et on a toujours un truc à dire. Si on fait de la radio, c'est qu'on a un truc à dire. Tout à fait. Et on va terminer maintenant avec le questionnaire rapide. Attention Fred, est-ce que vous êtes prêt ? Toujours. C'est parti. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle ? Laurent Petit-Guillaume, par exemple. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence ? Skyrock. Mais la vraie, évidemment. L'ancienne. La super radio. C'est ça, la super radio. Quelle radio vous réveille le matin ? Vivre FM. Quelle non, radio... c'est pas vrai en plus. C'est Europe 1. Quelle radio vous endort le soir ? Aucune. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? Quand je fais du sport, quand je marche dans la rue, tout le temps. En fait, dès que je peux, j'écoute la radio, que ce soit la mienne ou plein d'autres, tout le temps. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais ? Dans mon lit. Votre meilleur souvenir de radio ? Mon meilleur souvenir de radio, il y en a tellement, mais peut-être l'avant-première de Space Mountain Mission 2, en direct sur Évasion aussi. J'ai bien plein de souvenirs d'Évasion, où j'ai découvert pour la première fois ce qu'était un manège à sensation, parce que j'étais jamais monté dedans, et à 30 ans, j'ai découvert ça en direct à la radio, et je devais commenter ce qui se passait. C'était totalement génial et déstabilisant. Le pire souvenir ? le perso, bah, l'avant-première de Space Mountain Mission 2. Parce qu'en fait, j'ai fait cette attraction en direct à la radio 4 fois dans les 5 heures d'émission qu'on a fait. On est ensuite allé manger et on s'est dit tiens on va faire une dernière fois et là il n'y avait plus le casque, il n'y avait plus le micro, il n'y avait plus le commentaire et moi c'est vraiment je découvrais hein, les manèges à sensations fortes et je me suis retrouvé totalement bloqué, je ne pouvais pas sortir à la fin et je me suis retourné vers mes potes en leur disant mais à ma droite je suis tellement perdu que j'ai l'impression qu'il y a Elise et Moon qui me dit que je ne vais pas bien, mais le problème c'est que c'était vrai. Il y avait Elise Moon qui était en train de me dire « mais ça va pas bien, vous êtes tout blanc ». Parce que c'est une journée d'avant-première, donc il y avait aussi des stars. Donc voilà, non, c'est le pire. Ça, c'est le pire moment. Et enfin, pour finir, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire de la radio. Parle. Voilà. C'est le seul conseil à donner, c'est parle comme tu es dans la vie. Ça sert à rien d'essayer de jouer l'animateur, d'essayer d'avoir des phrases tiroirs et tout de suite, machin, il y a ceci, il y a cela. Non, on s'en fout. Faut parler, c'est tout. On fait de la radio pour parler aux gens. Il faut pas essayer d'imiter un animateur, ça ne sert à rien. Il faut juste parler, être sincère, c'est tout. Eh bien, nous allons cesser de parler, Fred Pierre. Nous arrivons au bout de la mécanique des ondes pour ce mois-ci. Merci d'avoir été à l'écoute et merci à vous d'être venu raconter votre vie, votre radio. Très modestement alors. Et merci Eddy. Merci à vous également. Et quant à nous, nous retrouvons le mois prochain sur les ondes de Fréquence Protestante. D'ici là, n'oubliez pas, l'émission est à retrouver en podcast sur fréquenceprotestante.com et sur les réseaux sociaux de la mécanique des ondes.